Restez avec nous sur la première. La suite de votre après-midi sera accompagnée par Histoire vivante. 6, 5, 4, Jean Leclerc 3, et Frédéric Pfeiffer 2, vous proposent 1, Histoire vivante. 0. En 1953, 16 ans avant Neil Armstrong, Tintin a marché sur la Lune. Le monde n'est pas assez pour Tintin. Il faut encore aller sur la Lune pour étendre le domaine de l'aventure. Les mots que prononce Tintin, ça y est, quand il pose le pied sur la Lune, j'ai fait quelques pas, sont à deux, trois détails près. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, ce qu'Armstrong emploiera. On a marché sur la Lune. Cette semaine, la conquête. Peu importe qu'on soit sur la Lune ou aux confins de la planète Terre, XFLR6, Mercury, Gemini et autres Apollo. Pour Hergé, il s'agissait d'éprouver l'humanité de Tintin. Quelques histoires de Lune. Allô, allô. C'est une œuvre qui est véritablement construite sur la quête du bien. Ici la Terre. Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, on fait naître des vocations. J'appelle fusée lunaire. De scientifiques, de techniciens, voire d'astronautes. Heureusement que les Dupont viennent foutre le bordel. Je vous avais prévenu, Michel Poret, on va commencer par un quiz, trois questions terribles pour savoir si véritablement cette œuvre d'Hergé dont nous parlons cette semaine, dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante qui aura pour thème central la Lune, dont nous allons parler aujourd'hui ensemble, Michel Poret, savoir si votre légitimité à ce micro est pleine et entière. Elle est nulle. Première question, la véritable adresse de Tintin. Rue du Labrador. Au numéro combien ? 13. Ah non, c'est le 26. C'est le 26, vous voyez, 2 fois 13. Les Dupont sont-ils frères ? Alors ça, c'est une grande question psychanalytique, puisqu'ils n'ont pas le même nom de famille, et vous le savez aussi bien que moi, ils n'ont pas la même forme de moustache. Mais c'est une problématique très intéressante sur la gemellité. Les mêmes qui sont issus peut-être de deux familles dont le patronyme n'est pas le même dans la graphie. Et même dans son orthographe. Et dans son orthographe. Enfin, qui attaque les Sildaves ? Où ? Dans la règle absolue. Les bordures. Les bordures, très bien. Bon, bah écoutez, notamment Mustler. On va pouvoir attaquer l'objectif Lune, et on a marché sur la Lune, les 16e et 17e albums que Georges Rémy, alias Hergé, concocte, produit entre 1950 et 1953. Peut-être une première question sur cette série des doubles albums. Ils sont un certain nombre dans l'œuvre d'Hergé, et très tôt d'ailleurs dans son œuvre, puisque dès Les Cigares du Pharaon, suivi du Lotus Bleu, on a affaire comme ça à une aventure qui ne saurait se constituer, ne saurait suffire en un seul album. Hergé produit déjà de la série d'une certaine manière. Quelle est votre appréciation de ces objets-là en double album ? Le sérial, d'une certaine manière. C'est qu'il reproduit dans la bande dessinée ce qui est très fort dans le cinéma, notamment dans l'entre-deux-guerres, c'est le sérial. C'est-à-dire, c'est cette forme de cinéma très brève qui fait qu'on peut pas raconter une histoire en un épisode. En général, le sérial, c'est 15 ou 16 épisodes. Donc, il faut la raconter sur 2, 3, 4 ou plusieurs épisodes. Deuxièmement, ça permet, je pense, on a souvent dit qu'Hergé était quelqu'un qui faisait exploser d'une certaine manière le cadre culturel de la bande dessinée. Ça permet de sortir. Alors c'est compliqué parce que la bande dessinée, lors des premiers albums en noir et blanc, n'a pas encore, je dirais, eu ça. Tout ceci est naissant, mais ça permet quand même de poser le cadre de quelque chose qui est beaucoup plus ample, qui permet de fidéliser en 2 volumes, et qui permet de déployer l'aventure sur un espace et sur un temps beaucoup plus important. D'ailleurs, on pourrait même dire qu'il y a une série en 3 épisodes. Parce que l'affaire Tournesol est une retombée immédiate de On a marché sur la Lune. C'est parce que tout ce qui s'est passé dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune, en pleine guerre froide, en pleine peur atomique, au moment où le cinéma américain n'arrête pas de multiplier les films sur le péril atomique, sur l'invasion, sur ceux qui arrivent, etc. Donc on est dans un moment chaud. Hein. Et l'affaire Tournesol, qui est un des très beaux albums de la série, qui est un très beau produit culturel de ce qui apparaît dans toute la bande dessinée à ce moment-là, c'est ce qu'on appelait la grande menace. La grande menace qui vient évidemment de l'Europe de l'Est, de la partie communiste. Eh bien, je pense qu'on peut lire véritablement, terminer On a marché sur la Lune et ouvrir l'affaire Tournesol, et on est dans la continuité. Eh bien, voilà. Il y a un mois, j'ai reçu une première lettre de Tournesol. Il était sur le point de faire une découverte sensationnelle dans le domaine des ultrasons. Comme je suis spécialiste en la matière, il me demandait conseil. Ah, oui, je vois, je vois. La semaine dernière, nouvelle lettre. Cette fois, il avait trouvé. Mais les conséquences de son invention l'effrayaient tellement qu'il voulait m'en parler, de toute urgence. Ceci explique certainement l'air préoccupé qu'il avait ces derniers temps. Et c'est aujourd'hui que j'avais rendez-vous avec lui. Cet après-midi, Tournesol est arrivé plus tôt que prévu, et nous avons commencé à bavarder. Ça devient passionnant. À un moment, je me suis baissé pour ramasser un papier. Quand je me suis relevé, Tournesol, devant moi, brandissait une matraque. Quoi ? Tournesol, une matraque ? Oui ! Et je me suis retrouvé ligoté, bâillonné dans la cave. Oh, je comprends tout. Attendez une petite seconde. Je vais vous montrer, professeur, la photo de votre agresseur. La voilà. Connaissez-vous cet homme ? Non, jamais vu ce petit barbu. Très bien, ce petit barbu, professeur, c'est notre ami Tournesol. Le seul, le bon, le vrai. C'est donc pas lui qui vous a assommé, mais quelqu'un qui s'est fait passer pour lui. C'est diabolique. Tout est clair maintenant. Ces gens-là sont capables de tout. Avec le temps du soleil, alors évidemment, il avait besoin d'un déploiement tellement fort pour à la fois faire un épisode policier fantastique et ensuite ce déplacement extraordinaire, presque dans une utopie solaire. Il s'est beaucoup inspiré d'ailleurs de Gaston Leroux pour écrire le temps du soleil. Donc je pense qu'il avait besoin aussi de ces 128, 130 planches, puisque tout n'est pas publié après en album, il y a des réductions, etc., pour déployer des épisodes finalement, dont l'ampleur géographique, dont l'ampleur morale, dont l'ampleur narrative ne peuvent pas se réduire simplement à une ville, un endroit, un album. Donc je crois que c'est une tentative très intéressante qui est devenue une mode maintenant. Si vous entrez dans une librairie de bande dessinée, si vous suivez un peu la bande dessinée, maintenant ça n'arrête pas, c'est 2, 3, 4, 12, 15 albums, ce qui est devenu un processus de marketing de la bande dessinée. Hergé, il innove, je crois, un système où voilà, on attend le deuxième album. Et puis, comme souvent à l'époque, les enfants étaient pas aussi gâté qu'aujourd'hui. On recevait un album à Noël ou deux à Noël et puis il fallait attendre l'anniversaire pour le suivant. Donc il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre d'une espèce de fidélisation. Nous nous trouvons ici dans les bâtiments du laboratoire central où l'on transforme l'uranium naturel qui nous arrive sous la forme des minces barres de métal en plutonium. Très intéressant. Et je pense bien, c'est ce plutonium qui servira à propulser la fusée du professeur Tournesol. Sa fabrication comporte deux phases principales. D'abord, la cuisson des barres d'uranium dans la pile atomique que vous allez voir dans quelques instants. Et ensuite, l'extraction chimique du plutonium que cette cuisson a produit dans les barres. Oui. Vous me suivez ? Bien sûr, voulez-vous que j'aille. Que diriez-vous du rapport qu'Hergé entretient vis-à-vis de la science ? Est-ce qu'il est typique de cette période de l'après-guerre ? Encore que, si l'on doit regarder du côté du monde de la bande dessinée belge, la dimension noire de la science, elle est bien plus marquée chez son collègue, ami et confrère Jacobs qu'elle ne l'est chez Hergé. Est-ce que pour vous, Hergé est de ce point de vue-là, vis-à-vis de la science, un indécrottable optimiste ? Non. Il y a un personnage, il y a une figure évidemment dans Tintin qui montre qu'il y a une méfiance envers la science, et Tournesol. Et Tournesol est attaché viscéralement à des inventions, lui-même le dit, qui doivent être des inventions bienfaitrices pour l'humanité. On ne va pas revenir sur les premières inventions de Tournesol que Tintin et Haddock découvrent au début du trésor de Rackham le Rouge, lorsqu'il vient les chercher pour leur vendre son petit requin submersible qui est tellement mal assemblé dans la première version qu'elle s'effondre. Mais lorsqu'on entre dans l'antre de Tournesol, donc c'est dans cet appartement où il est encore un savant pauvre qui n'a pas vendu son brevet au gouvernement, et qui, quand il vendra ce brevet au gouvernement, il pourra donner l'argent à Doc pour acheter Moulinsart. Et à partir de cet épisode-là, la famille a son lieu. Mais lorsqu'on entre une deuxième fois dans l'antre de Tournesol, c'est dans l'affaire Tournesol. Et on voit que Tournesol travaille à une arme, qui est une arme qui permet de désintégrer le verre. Et à partir de cette désintégration du verre, une puissance ennemie à la Sildavie, qui est la Bordurie, va le kidnapper pour qu'il transforme cette arme en une arme de destruction massive qui permettra de détruire l'ennemi capitaliste, etc. Et à la fin de l'épisode, que fait Tournesol ? Ben, il brûle les plans. C'est-à-dire, il dit non, ça c'est une invention qui est tellement dangereuse pour l'humanité que je préfère y renoncer. À la limite, je préfère renoncer à un deuxième brevet qui serait certainement encore mieux payé qu'un simple sous-marin civil pour aller explorer les fonds marins. Donc je préfère le détruire. Les microfilms. Eh bien, les microfilms. Je les ai retrouvés. Je les avais oubliés sur ma table de nuit, croyez-vous, Sacré Trifon, comme ça vous voilà tranquille. Les bordures seront alarmées. Fini, rien à faire. Mais il n'y a pas que les bordures pour les utiliser à des fins guerrières aussi. Il faut les détruire. Attendez, attendez. Ne soufflez pas votre allumette, capitaine. Je vais les brûler. Il faut faire ce sacrifice maintenant. Et en fait, Tournesol est un personnage intéressant dans ce rapport à la science. Il le dit d'ailleurs au début d'Objectif Lune, quand le duo Tintin-Doc arrive à la base de Sbrodge. Tournesol dit, oui, ici vous êtes dans le centre atomique, mais attention, nous ne faisons que de l'atome, que de la recherche atomique pour le bienfait de l'humanité. Donc on voit qu'il y a la hantise de la bombe à ce moment-là, hein, qui d'ailleurs envahit le cinéma, envahit la bande dessinée, envahit les romans de science-fiction. Donc je crois que dans le pessimisme humaniste d'Hergé, il y a une méfiance assez forte par rapport à une utilisation possible de la science, qui est l'utilisation belliqueuse. Mais elle n'est jamais noire et maléfique à la manière d'un Jacobs. Non, elle n'est pas démiurgique de la manière d'un Jacobs, elle n'est pas inspirée comme Jacobs s'est énormément inspiré, on pourrait dire, de la philosophie de l'histoire de Wells, d'H.G. Wells, puisque finalement Jacobs traduit en bande dessinée beaucoup d'ingrédients wellsiens, donc il n'y a pas ce côté pessimiste, il n'y a pas ce côté démiurgique, et quand on lit les deux épisodes de L'Espadon, au début, ce qui lance la série, donc il y a un rapport à la science qui est assez terrifiant, hein. Il y a d'un côté une puissance totalitaire qui a servi l'atome pour essayer d'asservir l'Occident, et puis d'autre part, on va utiliser l'arme atomique pour liquider l'ennemi qui menace l'Occident. Donc on est juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Jacobs, on l'oublie souvent, dessine cet épisode alors que la Belgique, c'est un champ de ruines. Donc il dessine un épisode de la ruine dans un champ de ruines qui est son propre pays. Et ça se termine quand même avec cette phrase étrange du professeur Mortimer à Blake, ou l'inverse. Il dit, oui, il y a tellement de ruines, mon pauvre ami, et il dit on va tout reconstruire et cette fois espérons que la civilisation aura le dernier mot. Évidemment c'est pessimiste. On le retrouvera dans Le Piège diabolique où il y a véritablement la science est devenue un objet d'asservissement comme chez Orwell, etc. Donc il n'y a pas ce côté-là. Il y a un côté beaucoup plus chez Hergé, oui, optimiste. Ou Le tragique est absent. Le tragique de la science me semble beaucoup plus absent. Il y a une dimension très tragique aussi dans On a marché sur la Lune, qui est certainement inédit dans la bande dessinée à ce moment-là. Inédit, le suicide de Wolf, qui est non représentable dans la bande dessinée. On ne peut pas représenter le suicide en 1950, ce n'est pas possible. Allons vite à la cale. Peut-être n'est-il pas trop tard. Eh bien, où se cache-t-il, ce gredin? Tonnerre, là, qu'est-ce que je vous disais? Ah, le sauvage, il a sa botte et l'alarme. Attendez, il y a un papier. C'est l'écriture de Paul. Lorsque vous trouverez ces lignes, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi. Wolf, le malheureux, c'est pour éviter d'actionner le signal d'alarme et d'arrêter le réacteur qu'il a coupé les fils. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. Donc est-ce que c'est, d'une certaine manière, le fait d'être allé sur la Lune, d'être revenu, de vouloir y retourner? Ce qui provoque évidemment la énième colère de Haddock à la fin de l'album, de vouloir, on veut y retourner, hein. C'était tellement bien qu'on veut pouvoir déployer, etc. Mais il n'y a pas ce côté pessimiste. Cela dit, est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui reviennent comme ça fortement sur la science? Disons, bon, c'est très révélateur des années 50. Il y avait un numéro du Monde, une fois, où on a réédité les deux albums sur la Lune et qui montre tout le contexte recherche scientifique, compétition entre l'Est et l'Ouest. Mais est-ce que d'autres albums reviennent sur la science, à part l'affaire Tournesol? Je crois pas. Voilà, nous y sommes. Vous allez voir, c'est incroyable. Regardez ce tableau. Mais c'est vous au bord de la mer et en costume d'une autre époque, en costume du 17e. Non, non, ce n'est pas moi, c'est un de mes ancêtres, le chevalier de Haddock, qui vécut sous le règne de Louis XIV. Michel Porret, on parle évidemment des rapports qu'Hergé entretient vis-à-vis de la science. Il y a un autre rapport pas moins étonnant, c'est celui qu'il entretient avec l'histoire. Parce que c'est un rapport moins immédiatement direct, mais tout de même, et dans un certain nombre d'albums, l'histoire est présente. Alors il y a l'histoire contemporaine, puisque c'est vrai que avec l'œuvre d'Hergé, on peut facilement couvrir une grande partie des bouleversements, des guerres multiples qui se sont déroulées tout au long du XXe siècle. On peut penser depuis le Japon jusqu'à la crise du Moyen-Orient et bien d'autres. Mm-hmm. Mais il y a également aussi l'histoire plus ancienne qu'un album comme Le Secret de la Licorne permet également, c'est peut-être d'ailleurs une des rares exceptions dans l'œuvre d'Hergé, d'aller ouvrir. Que dites-vous de son rapport à l'histoire, à Hergé? Je pense que c'est un des matériaux de construction d'une légitimité ou d'une probabilité ou d'une authenticité du récit, mais c'est aussi un jeu. Je viens de terminer un séminaire sur la piraterie avec mes étudiants cette année, Et c'est un jeu, voilà pourquoi c'est un jeu, mais c'est un jeu très subtil, très intelligent, très fin. Vous venez de citer très justement Le secret de la licorne, où il y a un récit emboîté dedans, qui est le récit, disons, les exploits du chevalier de Haddock dans sa lutte contre le pirate Rackham le Rouge, notamment. Et les 8 planches ou 10 planches de ce récit enchâssé nous montrent un abordage, la prise de la licorne par les forbans de Rackham le Rouge, le transfert de l'équipage et des richesses du bateau pirate dont on ne connaît pas le nom sur la licorne, la soulographie épouvantable, et tellement épouvantable que ça impressionne même le chevalier de Haddock qui est plutôt habitué à boire, le duel qui permet au chevalier de Haddock de tuer Rackham le Rouge, l'évasion du bateau, l'explosion de la licorne, l'arrivée sur l'île et la fin. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reprend toute la thématique pirate qui a été universalisée dans La vie des pirates de Daniel Defoe, qui est publié en 1723, plus évidemment, c'est le début du paradigme de L'île au trésor de Stevenson, qui est le grand roman de la fin du XIXe siècle sur le deuil pirate. Donc l'utilisation de l'histoire chez Hergé, elle est à la fois la récupération d'une tradition littéraire, historique, par exemple les pirates ici, qui peut se lire comme... Véritablement, c'est impressionnant. Quand on fait un séminaire sur la piraterie et qu'on regarde ces pages, on retrouve la séquence, le bateau, la façon dont le bateau navigue, sous le vent, pas le vent, échappé, les coups de bordée, l'abordage, tout y est. Hein, tout y est, comme ça se trouve chez Defoe. Defoe, c'était un roman. Pendant des années, on a cru que c'était les vraies mémoires du capitaine Johnson, qui aurait été un ancien pirate, qui se serait apaisé et qui aurait écrit ses mémoires. Donc il y a à la fois une plongée dans l'histoire, mais très souvent c'est une plongée dans des formes fictionnalisées de l'histoire, ou littéraires de l'histoire, qui permet effectivement de relancer ou de mettre au cœur, en tout cas, voilà encore un double album dont nous avons oublié d'évoquer tout à l'heure l'existence, qui permet de mettre au cœur ce qui permettra d'aller au terme de la quête ici d'un trésor qui n'existe pas sur l'île, hein, ça c'est Stevenson, le monde pirate n'existe plus, c'est terrible, mais c'est comme ça, mais qui est quelque part, hein, comme dans une bonne morale chrétienne, la richesse est sous nos pieds, il suffit de la regarder, d'aller la rechercher. Oh, le trésor ! Le trésor ! Enfin, le trésor, capitaine ! On l'a trouvé ! Mais regardez ces colliers de perles, ces bijoux, ces pierres, ces bracelets ! Admirable ! Ainsi, le chevalier de Haddock, en quittant la licorne, avait réellement emporté le trésor ! Eh oui ! On peut dire que nous avons parcouru des milliers de kilomètres alors qu'il était ici à portée de la main ! C'est ça ! Oh, mais... L'ouest ! Toujours l'ouest ! Il y a un trésor par ici, ça je le suis sûr. Je le sens. D'autres séquences historiques sont intéressantes dans Tintin. Par exemple, le sceptre d'Ottokar. Lorsque Tintin se rend en Sildavie et qu'il voyage dans l'avion, ou dans lequel il va être d'ailleurs précipité par le sosie, le méchant, enfin par un des deux jumeaux. Le méchant alambic. Le méchant alambic. Eh bien, il lit effectivement l'histoire du royaume de Sildavie, à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce récit historique, très stéréotypé, permet d'enraciner toute la problématique de la légitimité. C'est un livre sur la légitimité politique. C'est presque un livre à la Kantorowicz, c'est-à-dire la légitimité doit être détenue par un objet symbolique, historique. Eh bien, ce petit récit historique encastré permet de comprendre la suite. Venez jeter un coup d'œil sur ma collection. Vous avez là, dans cette vitrine, une des pièces les plus rares de ma collection. C'est un sceau extrêmement curieux, n'est-ce pas ? C'est le sceau du roi de Sildavie, Ottokar IV. Ah, mais... Mais il y a quelque chose d'écrit, oui. Hein, et un canard couronné au milieu. Ah, c'est un pélican. Ah, oui, c'est l'un des rares sceaux de ce pays que l'on connaisse. Ah, bon. Mais il doit y en avoir d'autres. L'ambassadeur de Sildavie, un de mes bons amis, m'a promis des lettres d'introduction qui me permettront, je l'espère, de compulser les vieilles archives du royaume. Dans la première version du Temple du Soleil, lorsqu'Hergé n'arrive plus à suivre la demande de Roger Leblanc pour publier les épisodes dans le journal Tintin, on est juste après la guerre, hein, c'est l'offensive, la grande offensive. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pendant plusieurs épisodes ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est le studio ? Puisqu'il n'arrive pas à suivre. On publie des demi-planches dans le journal Tintin, et en dessous, on a des très beaux bandeaux intitulés « Qui étaient les Incas ?» Et on a l'histoire des Incas sur plusieurs planches. Et donc, de nouveau, il y a ce jeu extraordinaire entre la fiction, la narration, la probabilité, effectivement, l'exotisme, le côté très anthropologique, vraiment très bien fait dans le Temple du Soleil. Et puis, il y a un soubassement, comme s'il nous disait, graphiquement, eh bien, effectivement, il y a un soubassement historique à toute cette histoire, même si cette histoire, évidemment, est une histoire complètement fictive. Donc, cette relation à l'histoire, elle est très intéressante parce qu'elle est à la fois qu'est-ce qu'on va chercher dans le passé pour légitimer une fiction contemporaine, et puis elle est, comme vous l'aviez dit, Jean, tout à l'heure, évidemment, alors l'affaire Tournesol, c'est un document historique sur la guerre froide. Pourquoi ça commence à Genève? On sait très bien que c'est une plateforme européenne de l'espionnage, des échanges, etc. Donc il y a cette double dimension de l'histoire. Allô? Allô, Hôtel Carnavin? Monsieur Sprincott, je vous prie. C'est urgent. Merci. Allô? Allô, Stéphane? Oui, c'est moi, Arnaud. Dis donc, il faut faire vite là-bas, hein? Ses amis viennent de prendre l'avion pour Genève. Oui. Bon, entendu. Au revoir. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Volontiers, je m'appelle Jean Rim, je suis chargé de cours à l'Université de Fribourg en littérature et par ailleurs président de l'association Alpar, les Amis Suisses de Tintin. Alors, bah, écoutez, faites un peu plus les présentations. Qu'est-ce que c'est que cette assos? Alors, c'est une association fondée en 2005, en vue du centenaire de la naissance d'Hergé en 2007, et qui a pour vocation de réunir tous les amis de Tintin en Suisse et aussi à l'étranger, puisqu'à peu près un tiers de nos quelques 300 membres viennent de France, de Belgique et d'ailleurs. Et en fait, notre association a été portée sur les fonds baptismaux en vue de l'édition de l'affaire Tournesol en patois gruérien, donc en 2007, et ensuite elle s'est ouverte à un plus large public. Elle édite chaque année une revue qui s'appelle Hergé au pays des Helvètes, qui vise notamment à favoriser la recherche autour des liens entre Hergé et la Suisse, et elle organise des conférences, des expositions et autres événements tout au long de l'année. Jean Rime, les publications autour de l'œuvre d'Hergé, qu'elles soient analyses méticuleuses telles que peut les faire, et je les admire pour ma part, Philippe Godin, ou encore biographiques avec un Benoît Peters qu'on va recevoir cette semaine, ou d'autres qui étudient un personnage. On a par exemple consacré tout un ouvrage à un personnage absolument secondaire de la galaxie RGN, le pilote Suits, en s'intéressant à ses multiples identités. Quand on ne parle pas, toujours pour faire référence à l'œuvre d'Hergé, aux parodies, qu'elles soient aimables ou pornographiques, allant jusqu'à des interdits faisant l'objet d'expositions, qu'est-ce que vous dites de tout ça, vous? Y a-t-il encore, au fil de ces nouvelles parutions, encore et toujours des surprises? Est-ce qu'on n'est pas dans le joyeux filon que l'on exploite jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte? Est-ce que vous-même, lecteur attentif sur tout ce qui est publié, vous êtes encore surpris, vous apprenez encore des choses, Jean-Rime? Bien sûr, alors c'est clair que par rapport aux années 80 ou même au début des années 2000, l'œuvre d'Hergé, j'entends par là ses dessins, ses planches, sont désormais bien connues. Il y a tout un travail de valorisation qui a été fait, tout un travail d'archivage. On découvre encore quelques dessins ici ou là, mais c'est vrai que je pense que l'essentiel à ce titre est connu. Maintenant, l'œuvre d'Hergé, c'est comme tous les sujets historiques, hein, on leur approche peut être renouvelée au fil du temps et on ne traite plus l'œuvre d'Hergé aujourd'hui comme on pouvait le faire de son vivant ou peu après sa mort. Donc je pense qu'il y a encore des approches étonnantes qui peuvent être proposées. Personnellement, j'avais été très intéressé par les approches de Jean-Marie Apostolides dans ses derniers ouvrages, Dans la peau de Tintin et Lettres à Hergé, qui renouvelait considérablement sa propre analyse des métamorphoses de Tintin paru 20 ans plus tôt. Donc je crois que au fur et à mesure que le temps avance, les questionnements évoluent. Et moi-même, je m'intéresse actuellement à une histoire médiatique de Tintin, c'est-à-dire une histoire de Tintin où on prend au sérieux le fait qu'il est un reporter, voire un reporter qui n'écrit pas, une sorte d'histoire nourrie par des recherches récentes en histoire de la presse, en histoire culturelle de la presse. Et là, on voit aussi que certaines images d'Hergé, sans être nier, mais se déplacent un petit peu et s'enrichissent. Dans un entretien que vous avez eu, Jean Rime, avec Marc Catala, directeur de la maison d'ailleurs, dans le numéro 6 de cette revue Tintin en Suisse, Marc Catala vous dit « Hergé a su introduire auprès d'un jeune public européen une science-fiction qui était plutôt une spécialité américaine, mais en l'adaptant au public européen. » Si vous deviez un peu définir, puisqu'on va être toute la semaine sur les deux albums Lune, est-ce que vous les définissez comme des albums de science-fiction? Et si oui, qu'est-ce que c'est que la science-fiction à la Hergé? Je pense que Hergé, ce qu'il avait en tête au moment de faire On a marché sur la Lune, c'est pas tellement de faire une œuvre d'anticipation, de spéculation. Lui, ce qu'il a voulu représenter, c'est l'actualité, le présent de la fascination pour la Lune, la fascination technique pour la Lune. C'est une fascination ancienne, vous me direz, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, au moins lointainement jusqu'à Jules Verne. Mais justement, quand on lui posait la question de l'inspiration de Jules Verne, il répondait à propos de la Lune qu'il y avait eu un précurseur. Ex-précurseur, c'était Jules Verne. Ça veut dire que lui-même ne se voyait pas comme un précurseur de la conquête spatiale, mais comme un témoin. Et d'ailleurs, il s'est documenté auprès des meilleurs vulgarisateurs de son temps. Il se trouve que la réalité aura rejoint la fiction quelques 15 ans après la création d'On a marché sur la Lune, mais il s'agit, je pense, pas d'une science-fiction au même sens, effectivement, comme le disait Marc Attala, que la science-fiction américaine qui parfois anticipe beaucoup plus loin. Hergé n'aurait pas aimé, par exemple, faire un album qui se passerait sur Mars. Ça aurait été beaucoup trop lointain. Il devait quand même garder une forme de réalisme, une sorte d'alliance entre le rêve et la réalité. Ce sont des interprétations ou ce sont ses propos à lui ? Alors, par rapport à Jules Verne, ce sont ses propos à lui. Ouais. Et si on regarde le contexte, il faut aussi se rappeler que la bande dessinée, dans la fin des années 40, en Belgique et en France, essaye de répondre à la vogue des comics américains, avec des créations du cru, puisqu'on ne pouvait pas forcément apporter toutes les bandes dessinées américaines. Il y avait des restrictions légales. C'était notamment le cas des premiers Blake et Mortimer, qui paraissaient dans le journal Tintin, en même temps que les aventures d'Hergé. Et Hergé avait été assez sensibilisé par le succès de ces Blake et Mortimer, et l'aventure lunaire, c'est aussi une sorte de réponse à cette fascination contemporaine pour l'espace et pour la technique, mais avec toujours la touche d'humour et de poésie, finalement, au-delà de la technique propre à Hergé. Oui, c'est une lune qui n'est jamais angoissante, même s'il est question à un moment du ciel d'un noir d'encre. On n'a jamais véritablement affaire à une lune, avec beaucoup de guillemets, maléfique. On est, d'une certaine manière, sur une autre planète, mais où les dangers ne sont pas du tout apparents. Il y a même une somme de gags assez extraordinaire du fait même de l'absence d'atmosphère et la pesanteur auxquelles sont soumis les personnages. Tout à fait, et c'est une aventure humaine pour Tintin. Oui. Et ça, je pense que c'est très important. On a tendance à l'oublier derrière la beauté de la fusée lunaire, mais il s'agit avant tout de l'aventure d'un personnage et d'une famille de personnages au bord de cette fusée. Finalement, peu importe qu'on soit sur la Lune ou aux confins de la planète Terre, pour Hergé, il s'agissait d'éprouver l'humanité de Tintin. On est au tout début des années 50 et lors de ces épisodes dépressifs qui passaient en partie en Suisse, Hergé disait, alors là il l'écrivait noir sur blanc, je voudrais que Tintin devienne humain, je voudrais, enfin il voulait renforcer cette part d'humanité de Tintin, transformer aussi la formule type de l'aventure en une forme d'aventure intérieure. Là aussi ce sont ces mots que je cite. Donc l'aventure lunaire, c'est une façon de concilier l'aventure dans ce qu'elle a de plus flamboyant, de plus traditionnel aussi, hein, le voyage, la conquête de l'espace ou la conquête géographique, et aussi ce début d'aventure intérieure pour le personnage qu'il va suivre. Et finalement, c'est presque les prodromes de Tintin au Tibet, même si ça paraît assez paradoxal de dire ça. Mais je crois que durant toute la deuxième partie de la carrière d'Hergé, son souci, ça a été de concilier une formule de l'aventure qui marche dans ces structures, c'est aussi ce que les lecteurs demandent, et d'un autre côté, d'immiscer un petit peu là-dedans une part peu plus profonde, plus intime d'aventure intérieure. Alors, si l'on veut découvrir votre revue Tintin en Suisse, comment s'y prend-on, Jean Rime ? Eh bien, nous avons une page sur Facebook, nous avons un site internet www.association-alpart.ch, Alpar, A-L-P-A-R-T, et sinon, on met Tintin Suisse sur les célèbres moteurs de recherche et on arrive assez facilement sur notre site. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci de votre invitation. Histoire Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch.